잠깐만가. bien parfumée, elle est bien bronzée sous le soleil des Antilles. Elle est bien parfumée, elle est bien bronzée sous le soleil des Antilles. D'accord. Blandine Boupe, Justine Détou, Linécola, na Madrid, hein. Sont toujours pauvres. Les richesses sont jamais riches. C'est la vie. C'est la loi de la nature. Jamais riche. C'est la loi de la nature. Panda bakoko, tolo tolo tolo.